L'établissement et la formation équatorien et une personnalité brésilienne ont accusé la politique d'hostilité américaine envers la Corée et le servilisme pro-américain des autorités sud-coréennes. La bibliothèque Kim Jong-il de l'Équateur et le cercle équatorien de la jeunesse Chuché ont dénoncé le 18 dans le homepage d'Internet l'origine et l'injustice de la politique d'hostilité américaine envers la Corée et ont affirmé que l'histoire démontre que le problème nucléaire de la péninsule coréenne est le produit de la politique d'hostilité américaine envers la Corée. Dans le journal Hora do Povo, en date du 19, Rosanita Campos, vice-présidente du Parti pour la Patrie Libre du Brésil, a condamné la mesure d'introduction de Saad par la bande des traîtres de Pakoné. Par ailleurs, l'association d'amitié France-Corée a accusé le 15 courant dans son homepage d'Internet les menées américaines et sud-coréennes contre la Corée.